Tu viennes vers moi un peu comme un enfant. M'avouer en face, j'aurais compris. Mais puisque ce sont les autres qui me l'ont dit, moi je veux t'oublier. À présent tu peux t'en aller. Aimer.